50 languages. 78. 78. 78. الصفات رقم واحد. Adjectif 1. Adjectif 1. امرأة مسنة. Une vieille femme. Une vieille femme. امرأة سمينة. Une grosse femme. Une grosse femme. امرأة فضولية. Une femme curieuse. Une femme curieuse. عربة جديدة. Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. عربة سريعة. Une voiture rapide. Une voiture rapide. عربة مريحة. Une voiture confortable. Une voiture confortable. ثوب أزرق. Un vêtement bleu. Un vêtement bleu. ثوب أحمر. Un vêtement rouge. Un vêtement rouge. ثوب أخضر. Un vêtement vert. Un vêtement vert. حقيبة صغيرة سوداء. Un sac noir. Un sac noir. حقيبة صغيرة بنية. Un sac brun. Un sac brun. حقيبة صغيرة بيضاء. Un sac blanc. Un sac blanc. أناس لطفاء. Des gens sympathiques. Des gens sympathiques. أناس مهذبون. Des gens polis. Des gens polis. أناس مهمون. Des gens intéressants. Des gens intéressants. أطفال جديرون بالحب. Des enfants affectueux. Des enfants affectueux. أطفال وقحون. Des enfants effrontés. Des enfants effrontés. أطفال مهذبون. Des enfants sages. Des enfants sages.